Okay. Christo. Expression libre. Expression libre. Mets-moi y'a de expression. Expression libre. On est parti à la expression libre. Rien à foutre de tes réglementations. J'ouvre la porte de mon premier couplet. Mes flots sont bas, lancer un coup de matraque. Mon ennemi se carapate, je vous épate. Avec la pression de mon moyen d'expression, le hip hop, ma passion. Mon son, un truc de fou comme Jackass. Isma voit les jours qui passent, pendant que je le dépasse. Normal, mes sons sont si puissants et mettent un coup sur son mental. C'est si fatal que mon rap a été placé parmi ce dilé gars. Je fais ma place dans le game. Sur ce morceau, y'a pas de thème. Isma cachette la casse que je t'en laisse. Mon ego s'élève, le sien se rabaisse. Mon son est si phénoménal, remballe tes abominables. Me voici en phase finale, je travaille mes textes. Pendant que tu joues des prétextes, mon cahier blindé de rimes. Tu déprimes, sur ce beat t'es de nouveau ma victime. Venez tous constater les lieux du crime. Ok, H à toute pièce. Celle-là c'est pour Naro. Ok. Has Christo. Expression libre. Expression libre, expression libre. Expression libre, moyen de expression libre, on est parti à la fin de la passion. Expression libre, rien à foutre de tes réglementations. Ok. Comme Thierry rappe sale, putain, je me dis que j'allais poser avec Pascal. Ce MC pas halal, j'aurais tout vu, tout entendu. Dans ce monde de vendu, entendu, la voix des pendus. Toujours à l'heure pour mailler comme un pendule. Je n'ai plus le temps de jouer. Le prochain qui teste, je vais le douiller. Je vais au stand de tir. Tu vas prendre des prises comme David Douillet. Je n'aime pas mentir. Désormais y'a que pour la mif que j'irai me mouiller. J'ai trop aidé des PD qui une fois que j'avais le dos tourné ont profité pour baver. Ok, ils ont pas fait une GAV. Ils se prennent pour des jeans qui tiennent le pavé. Pont de gay. Que j'ai fait, ils ne l'ont pas fait. Bonne enculée de vos mères. Celui qui ira lever la main sur moi ira en passer par terre. Suis-je bien clair? Je fais des pompes, je pousse la fonte. Qui veut test va fondre. Vous êtes la classe, je suis le soleil. Soit t'as la classe, soit t'as de l'oseille. J'ai pas sauté de classe, j'ai plutôt refait une année dans la même. J'ai dû apprendre de mes erreurs. Expression libre, mets-moi y'a de pression. Expression libre, on est parti à la seconde passion. Expression libre, rien à foutre de tes réglementations. Le commercial, j'ai laissé derrière les miens. À fond dans les anciens, voici le rap où on va se dire. J'exprime ma rage pendant que tu rappes le carnage. Tu constates les analyses, tu remarques que je contiens un mat de bif dans ma valise. Bienvenue dans mon secteur, voici des paroles qui me tiennent à cœur. J'ai gagné la manche, ma motivation est si étanche. Mate un peu les projets sur lesquels je me penche. Voici mes phrases, juste un petit témoignage sur ce qu'on écrase. Parce que je dis, rien n'est fait honnêtement. Plan grandit, mais que physiquement. J'agis en silence, fuck les problèmes de finance. C'est pour mes insolents, violents, foutu volant. Ceux qu'on file le collant et celles qui me trouvent mignon. Fuck ton acolyte, si c'est qu'un alcoolique. Ray, arrête de parler de prolique. T'as fait que manger des froliques. J'suis trop fou, lec. C'est peut-être pour ça qu'on me refoule, mec.